Germinal, cinquième partie, chapitre 3. Dès le matin, avant le jour, un frémissement avait agité les corons. Ce frémissement qui s'enflait à cette heure par les chemins, dans la campagne entière. Mais le départ convenu n'avait pu avoir lieu, une nouvelle se répandait. Des dragons et des gendarmes battaient la plaine. On racontait qu'ils étaient arrivés de Douai pendant la nuit. On accusait Rasseneur d'avoir vendu les camarades en prévenant M. Hennebeau. Même une herscheuse jurait qu'elle avait vu passer le domestique qui portait la dépêche au télégraphe. Les mineurs serraient les poings, guettaient les soldats derrière leurs persiennes à la clarté pâle du petit jour. Vers 7h30, comme le soleil se levait, un autre bruit circula, rassurant les impatients. C'était une fausse alerte, une simple promenade militaire, ainsi que le général en ordonnait parfois depuis la grève sur le désir du préfet de Lille. Les grévistes exécraient ce fonctionnaire, auquel ils reprochaient de les avoir trompés par la promesse d'une intervention conciliante, qui se bornait, tous les 8 jours, à faire défiler les troupes dans Montsou pour les tenir en respect. Aussi, lorsque les dragons et les gendarmes reprirent tranquillement le chemin de Marchienne, après s'être contentés d'assourdir les corons du trot de leurs chevaux sur la terre dure, les mineurs se moquèrent-ils de cet innocent de préfet, avec ses soldats qui tournaient les talons quand les choses allaient chauffer. Jusqu'à 9h, ils se firent du bon sang, l'air paisible, devant les maisons, tandis qu'ils suivaient des yeux sur le pavé les dos débonnaires des derniers gendarmes. Au fond de leur grand lit, les bourgeois de Montsou dormaient encore la tête dans la plume. À la direction, on venait de voir Madame Hennebeau partir en voiture, laissant M. Hennebeau au travail sans doute, car l'hôtel, clos et muet, semblait mort. Aucune fosse ne se trouvait gardée militairement. C'était l'imprévoyance fatale à l'heure du danger, la bêtise naturelle des catastrophes, tout ce qu'un gouvernement peut commettre de faute dès qu'il s'agit d'avoir l'intelligence des faits. Et 9h sonnaient lorsque les charbonniers prirent enfin la route de Vandamme pour se rendre au rendez-vous décidé la veille dans la forêt. D'ailleurs, Étienne comprit tout de suite qu'il n'aurait point là-bas, à Jean-Bart, les 3000 camarades sur lesquels il comptait. Beaucoup croyaient la manifestation remise, et le pis était que 2 ou 3 bandes, déjà en chemin, allaient compromettre la cause, s'ils ne se mettaient pas quand même à leur tête. Près d'une centaine, partis avant le jour, avaient dû se réfugier sous les hêtres de la forêt en attendant les autres. Souvarine, que le jeune homme monta consulter, haussa les épaules. 10 gaillards résolus faisaient plus de besogne qu'une foule. Et il se replongea dans un livre ouvert devant lui. Il refusa d'en être. Cela menaçait de tourner encore au sentiment, lorsqu'il aurait suffi de brûler Montsou, ce qui était très simple. Comme Étienne sortait par l'allée de la maison, il aperçut Rasseneur assis devant la cheminée de fonte, très pâle, tandis que sa femme, grandie dans son éternelle robe noire, l'invectivait en paroles tranchantes et polies. Maheu fut d'avis qu'on devait tenir sa parole. Un pareil rendez-vous était sacré. Cependant, la nuit avait calmé leur fièvre à tous. Lui, maintenant, craignait un malheur, et il expliquait que leur devoir était de se trouver là-bas, pour maintenir les camarades dans le bon droit. La Maheude approuva d'un signe. Étienne répétait avec complaisance qu'il fallait agir révolutionnairement, sans attenter à la vie des personnes. Avant de partir, il refusa sa part d'un pain qu'on lui avait donné la veille avec une bouteille de genièvre. mais il but coup sur coup 3 petits verres, histoire simplement de combattre le froid. Même, il en emporta une gourde pleine. Alzire garderait les enfants. Le vieux Bonnemort, les jambes malades d'avoir trop couru la veille, était resté au lit. On ne s'en alla point ensemble, par prudence. Depuis longtemps, Jeanlin avait disparu. Maheu et la Maheude filèrent de leur côté, obliquant vers Montsou, tandis qu'Étienne se dirigea vers la forêt, où il voulait rejoindre les camarades. En route, il rattrapa une bande de femmes, parmi lesquelles il reconnut la Brûlé et la Levaque. Elles mangeaient, en marchant, des châtaignes que la Mouquette avait apportées. Elles en avalaient les pelures pour que ça leur tînt davantage à l'estomac. Mais dans la forêt, il ne trouva personne. Les camarades, déjà, étaient à Jean Bart. Alors il prit sa course, il arriva devant la fosse au moment où Levaque et une centaine d'autres pénétraient sur le carreau. De partout, des mineurs débouchaient, les Maheu par la grande route, les femmes à travers champs, tous débandés, sans chef, sans armes, coulant naturellement là, ainsi qu'une eau débordée qui suit les pentes. Étienne aperçut Jeanlin grimper sur une passerelle, installé comme au spectacle. Il courut plus fort. Il entra avec les premiers. On était à peine 300. Il y eut une hésitation lorsque Deneulin se montra en haut de l'escalier qui conduisait à la recette. « Que voulez-vous » demanda-t-il d'une voix forte. Après avoir vu disparaître la calèche, d'où ses filles lui riaient encore, il était revenu à la fosse, repris d'une vague inquiétude. Tout, pourtant, s'y trouvait en bon ordre. La descente avait eu lieu, l'extraction fonctionnait, et il se rassurait de nouveau. Il causait avec le maître Porion lorsqu'on lui avait signalé l'approche des grévistes. Vivement, il s'était posté à une fenêtre du criblage. Et, devant ce flot grossissant qui envahissait le carreau, il avait eu la conscience immédiate de son impuissance. Comment défendre ces bâtiments ouverts de toutes parts? À peine aurait-il pu grouper une vingtaine de ses ouvriers autour de lui. Il était perdu. « Que voulez-vous » répéta-t-il, blême de colère rentrée, faisant un effort pour accepter courageusement son désastre. Il y eut des poussées et des grondements dans la foule. Étienne finit par se détacher en disant « Monsieur, « nous ne venons pas vous faire du mal, mais il faut que le travail cesse partout. » Deneulin le traita carrément d'imbécile. « Est-ce que vous croyez que vous allez me faire du bien si vous arrêtez le travail chez moi? C'est comme si vous me tiriez un coup de fusil dans le dos à bout portant. Oui, mes hommes sont au fond, et ils ne remonteront pas, ou il faudra que vous m'assassiniez d'abord. » Cette rudesse de parole souleva une clameur. Maheu dut retenir Levaque, qui se précipitait, menaçant, pendant qu'Étienne parlementait toujours, cherchant à convaincre Deneulin de la légitimité de leur action révolutionnaire. Mais celui-ci répondait par le droit au travail. D'ailleurs, il refusait de discuter ses bêtises, il voulait être le maître chez lui. Son seul remords était de n'avoir pas là 4 gendarmes pour balayer cette canaille. « Parfaitement, c'est ma faute, je mérite ce qui m'arrive. Avec des gaillards de votre espèce, il n'y a que la force. C'est comme le gouvernement qui s'imagine vous acheter par des concessions. Vous le flanquerez à bas, voilà tout, quand il vous aura fourni des armes. » Étienne, frémissant, se contenait encore. Il baissa la voix. « Je vous en prie, monsieur, donnez l'ordre qu'on remonte vos ouvriers. Je ne réponds pas d'être maître de mes camarades. « Vous pouvez éviter un malheur. »« Non, fichez-moi la paix. Est-ce que je vous connais? Vous n'êtes pas de mon exploitation. Vous n'avez rien à débattre avec moi. Il n'y a que des brigands qui courent ainsi la campagne pour piller les maisons. » Des vociférations maintenant couvraient sa voix. Les femmes surtout l'insultaient. Et lui, continuant à leur tenir tête, éprouvait un soulagement dans cette franchise qui vidait son cœur d'autoritaire. Puisque c'était la ruine de toute façon, il trouvait lâches les platitudes inutiles. mais leur nombre augmentait toujours. Près de 500 déjà se ruaient vers la porte, et il allait se faire écharper lorsque son maître Porion le tira violemment en arrière. « De grâce, monsieur, ça va être un massacre! À quoi bon faire tuer des hommes pour rien ?» Il se débattait, il protesta dans un dernier cri jeté à la foule. « Tas de bandits! Vous verrez ça quand nous serons redevenus les plus forts !» On l'emmenait. Une bousculade venait de jeter les premiers de la bande contre l'escalier, dont la rampe fut tordue. C'étaient les femmes qui poussaient, glapissantes, excitant les hommes. La porte céda tout de suite, une porte sans serrure, fermée simplement au loquet. Mais l'escalier était trop étroit. La cohue écrasée n'aurait pu entrer de longtemps si la queue des assiégeants n'avait pris le parti de passer par les autres ouvertures. Alors, il en déborda de tous côtés, de la baraque, du criblage, du bâtiment des chaudières. En moins de 5 minutes, la fosse entière leur appartint. Ils en battaient les 3 étages, au milieu d'une fureur de gestes et de cris, emportés dans l'élan de leur victoire sur ce patron qui résistait. Maheu, effrayé, s'était élancé un des premiers en disant à Étienne « Faut pas qu'il le tue !» Celui-ci courait déjà. Puis, quand il eut compris que Deneulin s'était barricadé dans la chambre des Porions, il répondit « Après, est-ce que ce serait de notre faute, un enragé pareil ?» Cependant, il était plein d'inquiétude, trop calme encore pour céder à ce coup de colère. Il souffrait aussi dans son orgueil de chef, en voyant la bande échapper à son autorité, s'enrager en dehors de la froide exécution des volontés du peuple, telle qu'il l'avait prévue. Vainement, il réclamait du sang-froid. Il criait qu'on ne devait pas donner raison à leurs ennemis par des actes de destruction inutiles. « Aux chaudières !» hurlait la brûlée. « Éteignons les feux !» Levaque, qui avait trouvé une lime, l'agitait comme un poignard, dominant le tumulte d'un cri terrible. « Coupons les câbles ! Coupons les câbles !» Tous le répétèrent bientôt. Seuls Étienne et Maheu continuaient à protester, étourdis, parlant dans le tumulte sans obtenir le silence. Enfin, le premier put dire « Mais s'il y a des hommes au fond, camarades !» Le vacarme redoubla, des voix partaient de toutes parts. « Tant pis, il fallait pas descendre, c'est bien fait pour les traîtres. Oui, oui, qu'ils y restent. Et puis, ils ont les échelles. » Alors, quand cette idée des échelles les eut fait s'entêter davantage, Étienne comprit qu'il devait céder. Dans la crainte d'un plus grand désastre, il se précipita vers la machine, voulant au moins remonter les cages pour que les câbles, sciés au-dessus du puits, ne pussent les broyer de leurs poids énormes en tombant sur elles. Le machineur avait disparu, ainsi que les quelques ouvriers du jour, et il s'empara de la barre de mise en train. Il manœuvra pendant que Levaque et 2 autres grimpaient à la charpente de fonte qui supportait les molettes. Les cages étaient à peine fixées sur les verrous qu'on entendit le bruit strident de la lime mordant l'acier. Il se fit un grand silence. Ce bruit sembla emplir la fosse entière. Tous levaient la tête, regardaient, écoutaient, saisis d'émotion. Au premier rang, Maheu se sentait gagné d'une joie farouche, comme si les dents de la lime les eussent délivrés du malheur, en mangeant le câble d'un de ces trous de misère où l'on ne descendrait plus. Mais la brûlée avait disparu par l'escalier de la baraque, en hurlant toujours « Faut renverser les feux ! Aux chaudières ! Aux chaudières !» Des femmes la suivaient. La Maheude se hâta pour les empêcher de tout casser, de même que son homme avait voulu raisonner les camarades. Elle était la plus calme, on pouvait exiger son droit, sans faire du dégât chez le monde. Lorsqu'elle entra dans le bâtiment des chaudières, les femmes en chassaient déjà les 2 chauffeurs et la brûlée, armée d'une grande pelle, accroupie devant un des foyers, le vidait violemment, jetait le charbon incandescent sur le carreau de briques où il continuait à brûler avec une fumée noire. Il y avait 10 foyers pour les 5 générateurs. Bientôt, les femmes s'y acharnèrent, la levaque manœuvrant sa pelle des deux mains, la mouquette se retroussant jusqu'aux cuisses afin de ne pas s'allumer, toutes sanglantes dans le reflet d'incendie, suantes et échevelées de cette cuisine de sabbat. Les tas de houille montaient, la chaleur ardente gerçait le plafond de la vaste salle. « Assez donc !» cria la Maheude. « La cambuse flambe !»« Tant mieux !» répondit la brûlée. « Ce sera de la besogne faite !»« Ah, nom de Dieu! Je disais bien que je leur ferais payer la mort de mon homme !» À ce moment, on entendit la voix aiguë de Jeanlin. « Attention! Je vais éteindre, moi! Je lâche tout !» Entré un des premiers, il avait gambillé au travers de la cohue, enchanté de cette bagarre, cherchant ce qu'il pourrait faire de mal. Et l'idée lui était venue de tourner les robinets de décharge pour lâcher la vapeur. Les jets partirent avec la violence de coups de feu. Les cinq chaudières se vidèrent d'un souffle de tempête, sifflant dans un tel grondement de foudre que les oreilles en saignaient. Tout avait disparu au milieu de la vapeur. Le charbon pâlissait. Les femmes n'étaient plus que des ombres aux gestes cassés. Seul l'enfant apparaissait, monté sur la galerie, derrière les tourbillons de buée blanche, l'air ravi, la bouche fendue par la joie d'avoir déchaîné cet ouragan. Cela dura près d'un quart d'heure. On avait lancé quelques seaux d'eau sur les tas pour achever de les éteindre. Toute menace d'incendie était écartée. Mais la colère de la foule ne tombait pas. Fouettés au contraire. Des hommes descendaient avec des marteaux, les femmes elles-mêmes s'armaient de barres de fer, et l'on parlait de crever les générateurs, de briser les machines, de démolir la fosse. Étienne, prévenu, se hâta d'accourir avec Maheu. Lui-même se grisait, emporté dans cette fièvre chaude de revanche. Il luttait pourtant, il les conjurait d'être calmes, maintenant que les câbles coupés, les feux éteints, les chaudières vidées rendaient le travail impossible. On ne l'écoutait toujours pas. Il allait être débordé de nouveau, lorsque des huées s'élevèrent dehors, à une petite porte basse où débouchait le goyau des échelles. « Ah, bas les traîtres ! Oh, les sales gueules de lâches ! Ah, bas ! Ah, bas !» C'était la sortie des ouvriers du fond qui commençait. Les premiers, aveuglés par le grand jour, restaient là, à battre des paupières. Puis ils défilèrent, tâchant de gagner la route et de fuir. « Ah bas les lâches ! Ah bas les faux frères !» Toute la bande des grévistes était accourue. En moins de 3 minutes, il ne resta pas un homme dans les bâtiments. Les 500 de Montsou se rangèrent sur 2 files pour forcer à passer entre cette double haie ceux de Vandame qui avaient eu la traîtrise de descendre. Et à chaque nouveau mineur apparaissant sur la porte du goyot, avec les vêtements en loque et la boue noire du travail, les huées redoublaient, des blagues féroces l'accueillaient. « Oh, celui-là, 3 pouces de jambes et le cul tout de suite !»« Et celui-ci, le nez mangé par les garces du volcan !»« Et cet autre, dont les yeux pissaient de la cire à fournir 10 cathédrales !»« Et cet autre, le grand sans fesses, long comme un carême !» Une herscheuse qui déboula, énorme, la gorge dans le ventre et le ventre dans le derrière, souleva un rire furieux. On voulait toucher. Les plaisanteries s'aggravaient, tournaient à la cruauté, des coups de poing allaient pleuvoir. Pendant que le défilé des pauvres diables continuait, grelottant, silencieux sous les injures, attendant les coups d'un regard oblique, heureux quand ils pouvaient enfin galoper hors de la fosse. « Ah oh, ça, combien sont-ils là-dedans ? » demanda Étienne. Il s'étonnait d'en voir sortir toujours. Il s'irritait à l'idée qu'il ne s'agissait pas de quelques ouvriers pressés par la faim, terrorisés par les porions. On lui avait donc menti dans la forêt. Presque tout Jean-Bart était descendu. Mais un cri lui échappa. Il se précipita, en apercevant Chaval debout sur le seuil. « Nom de Dieu, c'est à ce rendez-vous que tu nous fais venir ?» Des imprécations éclataient. Il y eut une poussée pour se jeter sur le traître. Et quoi ? Il avait juré avec eux la veille, et on le trouvait au fond, en compagnie des autres. C'était donc pour se foutre du monde. « Enlevez-le ! Au puits ! Au puits !» Chaval, blême de peur, bégayait, cherchait à s'expliquer. Mais Étienne lui coupait la parole, hors de lui, pris de la fureur de la bande. « Tu as voulu en être, tu en seras. Allons, en marche, bougre de mufle !» Une autre clameur couvrit sa voix. Catherine, à son tour, venait de paraître, éblouie dans le clair soleil, effarée de tomber au milieu de ces sauvages. Et, les jambes cassées des 102 échelles, les paumes saignantes, elle soufflait. Lorsque la Maheude, en la voyant, s'élança la main haute. « Ah, salope, toi aussi, quand ta mère crève de faim, tu l'as trahie pour ton maquereau !» Maheu retint le bras, empêcha la gifle. Mais il secouait sa fille, il s'enrageait comme sa femme à lui reprocher sa conduite, tous les deux perdant la tête, criant plus fort que les camarades. La vue de Catherine avait achevé d'exaspérer Étienne. Il répétait « En roue, aux autres fosses, et tu viens avec nous, sale cochon !» Chaval eut à peine le temps de reprendre ses sabots à la baraque et de jeter son tricot de laine sur ses épaules glacées. Tous l'entraînaient, le forçaient à galoper au milieu d'eux. Éperdue, Catherine remettait également ses sabots. Boutonnait à son cou la vieille veste d'homme dont elle se couvrait depuis le froid. Et elle courut derrière son galant. Elle ne voulait pas le quitter, car on allait le massacrer, bien sûr. Alors, en 2 minutes, Jean Bart se vida. Jeanlin, qui avait trouvé une corne d'appel, soufflait, poussait des sons rauques, comme s'il avait rassemblé des bœufs. Les femmes, la Brûlée, la Levaque, la Mouquette, relevaient leurs jupes pour courir, tandis que Levaque, une hache à la main, la manœuvrait ainsi qu'une canne de tambour-major. D'autres camarades arrivaient toujours. On était près de 1000, sans ordre, coulant de nouveau sur la route en un torrent débordé. La voie de sortie était trop étroite, des palissades furent rompues. « Aux fosses ! À bas les traîtres ! Plus de travail !» Et Jean Bart tomba brusquement à un grand silence. Pas un homme, pas un souffle. Deneulin sortit de la chambre des Porions et, tout seul, défendant du geste qu'on le suivit, il visita la fosse. Il était pâle, très calme. D'abord, il s'arrêta devant le puits, leva les yeux, regarda les câbles coupés. Les bouts d'acier pendaient, inutiles. La morsure de la lime avait laissé une blessure vive, une plaie fraîche qui luisait dans le noir des graisses. Ensuite, il monta à la machine, en contempla la bielle immobile, pareille à l'articulation d'un membre colossal frappé de paralysie. En toucha le métal refroidi déjà, dont le froid lui donna un frisson, comme s'il avait touché un mort. Puis, il descendit aux chaudières, marcha lentement devant les foyers éteints, béants et inondés, tapa du pied sur les générateurs qui sonnèrent le vide. Allons, c'était bien fini. Sa ruine s'achevait. Même s'il raccommodait les câbles, s'il rallumait les feux, où trouverait-il des hommes? Encore 15 jours de grève, il était en faillite. Et dans cette certitude de son désastre, il n'avait plus de haine contre les brigands de Montsou. Il sentait la complicité de tous, une faute générale, séculaire. Des brutes, sans doute, mais des brutes qui ne savaient pas lire et qui crevaient de faim.